Tant pis, tu mettras en lien dans la mission. Attends. On a Morphix510 dans la chatroom, si tu peux venir maintenant, qui est en train de nous chercher le lien pour les Night Tubelet, justement. Si okay. Tu peux le mettre après aussi pour quand tu feras le billet de l'épisode 18. Attends, parce que je suis en train de vérifier quand même cool. Que j'ai bien enregistré. Waouh, c'est quoi ce truc là? Oh là là. Ouais. J'ai. Putain, quel logiciel de merde. Bon, je vous conseille pas d'enregistrer vos podcasts sur GarageBand parce qu'en fait, pour des petites émissions, ça marche très bien, mais pour des grosses, comme ce qu'on vient de faire malgré tout, parce qu'on a tenu une heure, c'est vraiment de la merde. Mais franchement, sans faire exprès, on arrive à chaque fois, on fait autour d'une heure sans couper de sujet ni rien. Ouais, bah après là, ça va être un peu plus court parce qu'il y a des gros passages ouais. Que je vais devoir couper parce que sincèrement là, c'était que je vais devoir couper parce que sincèrement là, c'était que je vais devoir. Ah pardon, excusez-moi, je viens d'arriver sur la chatroom. Alors, je vais vous donner le lien pour pouvoir télécharger les. Je sais pas si ça a été fait déjà. Si je retrouve. Voilà. Voilà, je viens d'envoyer à la chatroom le lien pour télécharger les releases pour Mac et je vais faire exactement la même chose pour celle sur Windows si je les retrouve. Je me souviens plus de. Il y a Linux aussi, évidemment. Et bah Windows, je ne sais plus où c'est. Donc vous chercherez. Juste pour la chatroom, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez compris suffisamment bien ce que disait Lucas au fur et à mesure ou c'est vraiment compliqué et du coup va falloir qu'on réenregistre des parties. C'était le chaos, ouais, effectivement. La fin, c'était chaos. ouais. Bah, de manière, je vais réécouter ça et éventuellement, s'il y a des passages que je ne peux absolument pas que je peux absolument pas traiter en post-prod, on va devoir réenregistrer les passages, enfin, ou je les réenregistrerai tout seul. Mais bon, on verra. Note le lien de Chromie de Morphix ouais. Pour le mettre dans le lien d'émission, ça peut être intéressant ça. Ouais, je le note. D'ailleurs, je vais l'installer tout de suite l'extension. Moi aussi. Ouais, non, en fait, je vais m'installer Chromium plus tard et je vais garder l'extension de côté pour mettre l'extension sur Chromium. Comme ça, j'aurai sur Chromium tout le temps à jour et Chrome propre. Eh ben, je vais tester sur Mac et je te dirai ce que ça vaut sur Mac. Ok. Voilà, normalement, je l'ai activé. Alors, ça le fait automatiquement. Je ne sais pas comment fonctionne cette. C'est vrai que c'est plutôt intéressant comme truc. On aurait dû en parler. Oui, il y a les changements qui sont affichés. Ah, elle est bien foutue. Mais alors, download. Comment ça fonctionne? Ah oui, mais c'est pour la version Windows uniquement, en fait. n'existe pas pour Mac. Je sais pas si j'arriverai un jour à enregistrer ce fichier GarageBand parce que il est d'une lenteur. J'aurais dû prendre un MacBook. Tu as attendu toute la nuit pour enregistrer. Ouais, c'est un peu ça. J'aurais dû prendre un MacBook Pro 15 pouces avec un meilleur processeur. Il a un peu de mal, putain. Mais j'y arriverai jamais, hein. Je crois qu'on va devoir le refaire. D'accord. Non, mais bon, je pense que ça le fera, mais j'ai rarement vu ça. Bon, j'essaierai de l'enregistrer quand j'aurai quitté le live et tout ça, ça sera peut-être plus simple. Tu l'as édité avant, genre tu coupes les gros bouts de blanc. Pardon ? Ça le fera plus léger à enregistrer déjà. Ouais, non, c'est clair. Si tu coupes. Si tu peux. Bon, écoutez, je vais couper le live pour essayer de finir d'enregistrer quand même cet épisode. Sinon, on va le refaire et éventuellement on le refera en live, hein, pourquoi pas. Donc, je vous tiens au courant sur Twitter de si j'arrive à enregistrer cette émission. Bonne soirée à tous. Merci encore. Bonne soirée à tous. Voilà, j'ai coupé le live. Est-ce que ça va un peu plus vite? Non, toujours pas. Bon. Mais si jamais il y a besoin, à la limite, tu m'envoies un mail, tu me dis quelle partie je dois retourner, je les enregistre sans problème, je trouverai le temps. D'ici ce week-end, je changerai le temps. Vendredi, j'ai toute la journée de libre, je fais rien demain, je peux pas, j'ai trop. J'ai 8 heures de cours dans la journée, donc c'est mort. Mais vendredi, je suis libre toute la journée. Donc, si t'as besoin que je réenregistre un passage en solo, okay. Quoi, il n'y a pas de problème. Bah, je te dirai, bon, je vais essayer de modifier au maximum pour que ça passe. Mais... c'est toujours pas enregistré. Putain, sérieux. Non, on va couper Skype aussi, ça va aider peut-être. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, j'ai déjà trouvé le titre, hein, l'épisode qui ne voulait pas s'enregistrer ou un truc comme ça. Ouais, putain, l'épisode malade, entre Campfis qui est pas là, moi qui ai un sale son et toi qui veux pas enregistrer. L'épisode malade. Sincèrement, par contre, je voulais pas trop te couper, mais c'était quasiment inécoutable à des moments. Mais bon. Ah bah, mais t'as bien fait de nous. Mais normalement, à partir de la semaine prochaine, c'est ce que je faisais, je l'ai fait une ou deux fois. En fait, il a son appart, il a sa caution. Donc, j'ai squatté chez lui pour enregistrer, puis il va avoir une ligne free. Il la récupère ce week-end. Donc, okay. il va enfin récupérer son appât, donc après non, ça devrait être bon. Ouais, si tu peux faire ça, c'est vrai que ça serait quand même... je l'ai prévenu déjà. Donc. Un plus assez intéressant. Ah ouais, on a été partagé 89 fois déjà le lien vers les... Le lien de live stream. Ouais. Oh, c'est énorme. Bah, déjà, je sais que moi, ceux qui m'avaient pas, qui m'ont écouté, et The Bully, ils ont mis un lien puis la plupart de ceux qui écoutaient via live stream ils ont cliqué sur le tweet bouton genre j'ai un 2-3K et tout, ouais. Donc il y a marqué j'écoute les projets du web et toi qu'est-ce que tu fais. C'est marrant. Bon bah ça enregistre pas, ça me fait un peu peur là, hein, sincèrement. C'est bizarre parce que j'ai jamais eu ce problème là avec les autres émissions qui durait à peu près le même temps. Ouais, à chaque fois on enregistre pendant une heure. Plutôt étrange. Quoique j'ai eu un problème quand même avec la dernière émission, j'ai perdu le début. Enfin, ah ouais. Bah, je crois pas que je l'ai écouté le dernier épisode. Bah, tu vas voir si tu le démarres, il démarre. Enfin, il démarre en plein dans une phrase du début de la présentation. Je me suis dit que c'était pas très très grave, j'avais un peu la flemme de le réenregistrer. Mais ça s'enregistre. Attends. Moi je croyais que GarageBand c'était bien en fait, mais pas assez. Bah c'est pour la musique, alors pour des chansons de 5 minutes. Ouais, pour les jingles, pour tout ça, j'arrive très bien à gérer. Mais alors là, dès que les fichiers sont un peu gros, ça devient un iTunes like et tu meurs quoi. Ah ouais. Oh putain, j'ai eu un espoir, mais en fait, c'est presque pire. Je te demanderai pas si c'est un film de boules que j'ai entendu, mais. Non, je vois pas, non. C'est peut-être le casque qui a été posé par terre. Ouais. J'ai entendu un... Ma copine qui s'étire à côté. Ouais, c'est ma copine qui s'étire en fait. Elle a fini son film. Bon, bah, ça s'enregistre toujours pas. Bon, moi je vais te laisser. Ok, ça marche. Je te tiens au courant si j'y arrive, si j'y arrive pas et s'il y a des passages qui sont pas écoutables. Tu m'envoies un mail, il n'y a pas de problème. Ça marche, ben, merci encore. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Du tout, quoi.